Go down, go down, down, go down. Salatiel on the beat. Go down, go down, down, go down. Oh, papi. Go down, go down, down, go down. Daphne. Go down, go down, down. Baby boy, your love is killing me. It's killing me. The way that you're loving me. My baby, I'm sure I can tell you're the one for me. You're the one for me. The way that you're loving me. Tu sais, on est vie qu'une seule fois dans la vie. Et la mienne, j'ai décidé de faire avec toi mon ami. Je te fais la promesse devant ma famille. Que le soleil et la pluie, le meilleur est pour le pire. Parce que le mariage, c'est jusqu'à la gare. My family pray for me. They give me a hand when I need it. I tell you they're loving me. Mais on ne vit qu'une seule fois dans la vie. Et la mienne, j'ai décidé de faire avec toi mon ami. Je te fais la promesse devant ma famille. Sous le soleil et la pluie, le meilleur est pour le pire. Parce que le mariage, c'est jusqu'à la gare. Je marcherai avec toi.